Écoutez, là, on va pas avoir quelqu'un qui va faire un pays, on va avoir quelqu'un qui va avoir une équipe de hockey. Premier ministre, et pourtant, il ferait tout un politicien. Il a une belle gueule, il parle bien, il ne répond pas aux questions, il les pose. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Beaulieu. Hey! Bonsoir tout le monde! Wow! Wow! Hey! On a-tu du beau monde ici? Ah. Hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de l'arrivée de Pierre Calpelado en politique. Mesdames et messieurs, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, boy. Hey, c'est quand même une grosse nouvelle pour la droite indépendantiste. Là, oui, là. Mais ça, il paraît que Mathieu Bock-Côté aurait eu un orgasme. Ah ouais. C'est sûrement son premier. Non. Non, les gens rient, mais non. Il y en a eu un quand il avait reçu le coffret DVD de la série Duplessis à Noël. Ah. Vous savez que... Non, non, mais c'est vrai. Il ne peut pas écouter plus d'une heure à la fois. Hein. Non, son médecin lui interdit. Oui. Mais... Ricard Mortis, ce qu'il appelle. Ouais. Mais la gauche indépendantiste devrait être contente aussi avec Pécopé. Là. C'est un ancien marxiste unioniste quand il étudiait à l'UQAM. Oui, ben ça fait longtemps. Hein. Ah, oui. Mais non, mais en fait, la gauche indépendantiste, ben, vous le savez, hein, elle n'est pas si contente que ça. Non. Françoise David, hein, elle se rappelle encore du lock-out au Journal de Montréal. Hein. Mais là, ben, franchement, elle a bien la mémoire longue. Là. Ça ben, fait une éternité de ça qu'on lâche prise un peu. Là. Vous avez raison, Fred. Ben, hein? Ben oui, qu'elle fasse comme le PQ. Hein? Personne s'en rappelle au PQ de ça. Facile. Hein? Non, non. Tout un temps, voyons donc. Mais là, attendez un peu. Là. Si Québécois appuie le PQ, mm-hmm, hein, et la presse appuie le PLQ, ouais, il reste quel empire médiatique pour la CAQ? Oh, hein? Ben il reste le devoir quand même. Non, non, mais un empire médiatique, je parle pas d'un journal intime. Ouais, ah, ouais, ouais. Non, non, non, mais... puis en même temps, le devoir est beaucoup trop à gauche pour la CAQ. Ah, ouais. Non, il doit avoir un journal pour eux, là. On va trouver. Voyons, donc, ben, peut-être l'écho des forêts. Ah, c'est hein? Vous connaissez l'écho des... Hein? C'est où, ça? C'est en Beauce, ah, j'imagine, ouais. C'est un hibou, le rédacteur. Ah, ouais! Vous vous souvenez de ça? Puis Québec solidaire, ça serait quoi, leur empire, eux autres? Ben, je pense qu'ils ont déjà le journal itinéraire. Ah, ouais, c'est vrai. En fait, c'est parfait pour eux. Ben, c'est vrai. Hein, parce que tu donnes ce que tu veux. Ben ouais. Fait que je veux dire... Ben moi, je donne rien puis je pars avec le journal. Ah ouais, hein? Ouais, il court pas après, il est trop sous. Ben oui. Ah, franchement. Hey, sinon, ben, on a appris que la CAQ perdait des plumes dans la région de Québec. C'est assez extraordinaire, ça. Ouais. Et ça, évidemment, c'est à cause que François Legault, ben, il annonce... Ben, en fait, il veut annuler des projets. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Il veut annuler, ben, par exemple, l'anneau de glace. Ben, il veut annuler donc. Ça, ben, pourtant, oui. Il aime ça tourner en rond dans le même bar à CAQ. Je le sais, mais c'est pas tout, hein. Ils sont aussi contre le diamant de Robert Lepage. Là, ils sont contre les pièces de théâtre qui durent 9 heures. Ben oui. Pourtant, ils devraient aimer ça, les longueurs à la CAQ. Hein? Tu sais, quand tu lis le livre de François Legault, là, il y en a beaucoup des longueurs. Hein? Il n'y a pas d'entracte, là? Ah, non, il y en a un. Ah ouais? Oui, oui, tout à fait. Ben, après la première page, je suis encore dedans, d'ailleurs, dans cet entracte-là. J'attends qu'il me rappelle pour revenir. Enfin, sinon, ben, écoute, ça va bien à Québec pour le Parti libéral. Ben oui. Et c'est toujours ça de prix. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, les sondages sont favorables pour le Parti libéral. Ben non, on va se dire, il va falloir qu'il règle le problème d'aqueduc à Québec. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous pensez que c'est dans l'autre ben problème? Ben moi, je pense que c'est plus un problème d'égout. Fin. Ah ouais? Ah, ben peut-être qu'ils boivent leurs égouts. Non, je pense qu'ils écoutent. Ah ouais? Oh, boy. Non, c'est, ben écoutez, il n'y avait pas juste ça. Il y a Québec solidaire, vous l'avez vu, ils nous ont finalement présenté leur autobus de campagne. C'est pas rien, un autobus. Ben oui, on a un autobus, que c'est ça? Ouais, ben c'est ça. Hein, leur vieux poney gringo a rendu l'âme après 37 ans de loyaux services. Ben c'est dommage. Non, je peux pas le croire, on l'a flatté la semaine passée. Mais ce sera pas perdu, Fred, hein? Ils vont servir de la carcasse comme combustible. Ah ouais? Ouais. Ça va leur faire de la viande pour la campagne. C'est vrai. Hein, ça fait changement de la soupe aux lentilles, quand même. Non, non. Ouais, ils vont pouvoir faire des sacoches avec la crinière aussi. En jute. Rien ne se perd. Ben non, ben non. Ben, je comprends pas pourquoi les journalistes veulent pas aller dans cet autobus-là. Non, franchement, non, là, ils sont de mauvaise foi. Ça doit flasher un autobus au clair de l'arc-en-ciel. Hein? Ben non, imaginez-vous qu'il est tout blanc. Ah! Hein? Ben oui, ben pas une scène peinturée, évidemment. Ah non. Ils ont pas d'agouache. Ils ont essayé de la poterie, vous savez. Ah non, Puis en même temps, là, c'est wise, hein. Ils vont être sûrs de passer inaperçus. Ah ouais. Ils ont bien trop peur de gagner, ah ces gens-là. Hein. Puis gagner, c'est... Non, mais gagner, c'est un concept de droite. Non, hein, je suis pas en train de me dire que le Canadien de Montréal est une équipe de gauche. Oui. Hey, une petite blague de sport, ça longtemps, mais ça, voyons, ça nous rappelle le bon temps. En tout cas, François, oui. François, t'as dit qu'elle s'approcherait pas de PKP s'il gagnait ses élections. Hein? Oh, Fabien, non, mais il paraît même, c'est pas tout ça, il paraît même qu'elle va faire un détour quand elle va croiser un dépanneur qui vend le journal de Montréal. Hey, c'est pas pauvre vrai, femme. Pauvre madame. Mais oui, hein? Pas fait. Ça va la mettre en forme. En même temps. Hey, puis sinon, grosse nouvelle, ça vous l'avez vu, là, ça vient de tomber. Ben oui. Hein? Pour laisser le champ libre à Fatima Houda-Pépin, le PQ ne présentera pas de candidat dans Lapinière. C'est pas rien, ça. C'est pas tout à fait ça l'histoire. Hein? Il y en avait présenté un. Mais le docteur Barrette l'a mangé. Bon. Et que je suis pas à l'aise avec ces blagues-là. Moi non plus, mais elle était facile. Oui. Hein? Ça, la facilité, c'est pas nous, ça. Non, mais en même temps, le bon Dieu nous en aurait voulu de pas la faire. Hein? Non, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Pas de blague d'intégrité physique, bon. Je sais, Fred, je sais. Là, c'est pas moi qui est là, c'est vous, là. Vous avez du toupet? Ouais. Ah, pas de blague d'intégrité physique. Ah, non, mais parlant de toupet, tout le monde, on reçoit, pour commencer l'émission, le comédien, mais surtout l'animateur de l'émission la plus écoutée au Québec, Charles Lafortune. On est très heureux, vraiment très heureux. Hey! C'est gros, là! C'est lui qui anime Tout le monde en parle, maintenant? Oh, non. C'est plus l'émission la plus écoutée, Tout le monde en parle. Ça fait très longtemps. Ça va pas bien. D'ailleurs, Guillaume L'Espérance, qui est producteur, qui est un grand fan de la soirée, qui était un grand fan de la soirée. On le salue. On reçoit également la ministre responsable de la protection de la jeunesse, Véronique Yvon. On est très heureux de le savoir. Qui est en pleine campagne, en fait. Dis la ministre! Pendant les élections. La protection de la jeunesse, c'est ça, l'affaire de projet de loi de mourir dans la dignité, c'est pour protéger les jeunes en éliminant les vieux. Je vois clair dans son jeu. C'est ça, Fred. C'est un complot des CPE. Ouais. De toute façon, on aura le temps d'y demander, Fred, parce que la soirée est encore jeune. Olivier! Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir toutes les gaffes de nos politiciens pendant la campagne électorale, les politiciens qui tweetent en boisson, ceux qui sont tout nus sur Facebook ou ceux qui aiment Marine Le Pen, ils sont tous là! Ah, ça va être bon! Ah oui, on passe maintenant au courrier des auditeurs. Ben d'abord, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé si PKP allait venir à l'émission. Bien, malheureusement, non. Le PQ nous a répondu qu'il ne participerait pas à des émissions humoristiques. Si vous l'avez vu à Infomania, vous avez sûrement halluciné. Ouais. Voilà. Sinon, Jean Picard nous dit « Vous parliez du déversement de la rivière Kalamazoo à l'émission de vendredi dernier en disant qu'on n'avait pas de nom niaiseux comme ça ici. Pourtant, on a la chute Kalamazoo à Anticosti. » Eh bien! Ben, merci, monsieur. Hein, mais comme on dit, il faut jamais laisser la vérité se mettre dans le chemin d'une bonne blague. Voilà. Par exemple, là, l'affaire du poney de Québec solidaire, c'est pas vrai, ça? Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je sais pas s'il est décédé récemment, mais je sais que Québec solidaire avait un poney pour la campagne électorale. Il faisait même pas « i ». Non, mais c'est vrai, il faisait même pas « i ». Il faisait « ma ». Elle était facile, mais elle était très, très blague. Très, très bonne blague. Très bonne blague. Hey, on va aller rejoindre immédiatement Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Non, il est en vacances cette semaine. Ah, mon Dieu. Ben oui. Il est pas allé en Malaisie, toujours? Ah, ben ça fait 5 jours qu'on se croise les doigts. Ah, mon Dieu. OK, mais... mais qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, je peux vous le faire, si vous voulez. Là, c'est pas bien dur, hein? OK. Ouais. Alors, on va aller joindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon Dieu, mon bon Jean-Philippe! Je suis présentement avec Gabriel Nadeau-Dubois, Philippe Schnab et Louise Arel, et on boit des shooters. Et là, il y a ma mère qui arrive. Ah, mon Dieu, pas des bébés! Et voilà, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal ça? Ouais. C'est-tu vraiment aussi niaiseux que ça? Parce que j'ai pas l'habitude de porter attention. Non, c'est pire. D'habitude, là, j'ai mis du contenu cette fois-ci. En plus! Bon, on va s'en passer une semaine, hein? D'ailleurs, je pense que c'est cette émission-ci qu'on envoie aux Olivier. Ah, c'est clair. On va en profiter. Ça sent le trophée à plein nez. Oh oui, Fred, notre premier invité. Découvert dans l'émission Watatata, il est maintenant à la barre de l'émission la plus regardée au Québec, malgré Éric Lapointe. Accueillons M. Charles Lafortune! Charles! Hey, bonsoir! Hey, on est... C'est un show de proximité, hein? Oui, c'est ça. Le public est très près. Mais ça. Bon, on n'est pas en plus, vous êtes grand. À 6 pieds 3, j'ai comme les pieds dans la dernière rangée. C'est extraordinaire. Hey, bienvenue à Radio-Canada. Ça me fait plaisir. J'ai commencé ma carrière, moi, à Radio-Canada. Avec Watatata. Tout à fait. Hey, là, on va en parler de suite. Je pense pas. Est-ce que ça m'a gagné ton adolescence? Ça. Moi, parce que selon la différence d'âge, tu étais mon public cible. Je suis encore ton public cible. Oui, encore, hein? Ben, je regarde des reprises de Watatata pour la Mais hey, ça a été extraordinaire, ça, Ouattatata. Écoute, c'était un... Ouais, c'était un beau moment. C'était à l'époque, la télé n'était pas en HD. Où, oui. Où les décors branlaient après que tu ailles fermer la porte. C'est vrai? Oui, ouais, c'était de C'était de moins moment. De qualité, hein? C'était une qualité différente. C'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup avec peu. Mais là, aujourd'hui, on fait encore beaucoup avec peu. Des fois, il y en a qui font un peu avec beaucoup. Ça... des noms? Oh, arrête! Mais non, mais je... Voulez-vous une bière? Non, non. Oui, j'aimerais ça, une bière. J'adore ça quand tu me vouvoies, d'ailleurs. Ça... Ben, c'est parce que c'est Radio-Canada. Vous vous rappelez pas dans Ouattatata? Vous voyez tout? Non, non. Ça... Est-ce qu'on vient souvent à Radio-Canada quand on est à la tête de TVA? Est-ce qu'on traverse souvent la rue, là? Parce que c'est à côté, en fait. Oui, mais j'ai fait plusieurs choses ici. J'ai fait aussi chasse à l'homme pendant une saison. Chasse à l'homme? Chasse à l'homme, oui. Je devais être en Europe cette année-là. Oui. C'était quand? Là, quand on le dit vite, chasse à l'homme, t'as l'impression que c'est une émission qui, à cause de la charte, ça pourrait pas passer à la télé. Hein? Aujourd'hui, peut-être que votre boss ou votre ancien boss ou notre futur premier ministre... Ça dépend. Passera pas, laissera pas passer ça, mais on va en parler de votre boss, Pierre-Carl. Ah, okay, parfait. Ça a été une grosse semaine pour Pierre-Carl. Effectivement. Non, mais est-ce que... Attendez, j'adore ça parce que... Ouais. Non, mais c'est parce que c'est le fun que tu penses que je suis plugué bien raide. Comme ça, je... Bah, voyons donc. Je vais pouvoir te dire tellement de bullshit. Ah, vas-y, continue. Mais c'est parce que pareil, Pierre-Carl, il écrivait à ses journalistes directement. Il doit bien écrire à ses vedettes directement. Non, oui, pour une petite félicitation, parfois, coquine. Bravo. Coquine, t'as dit quoi, avec une photo? Ben, un petit clin d'œil à la fin ou quelque chose, là, tu sais. Il fait des clins d'œil? Oui, il fait des clins d'œil. Ah, ben, c'est pas quelqu'un qu'on imaginerait faire des clins d'œil. Non! Ben, je sais pas. Ben, pourtant, hier je pense qu'il en a fait un à Pauline Marois quand elle a tassé. Oui, oui. Oui, il en a fait un gros. Parce qu'il a fait comme c'est beau la grande. C'est beau. C'est ça, c'est qu'on a compris. C'est correct. Mais est-ce qu'il y a eu des répercussions dans la boîte à TVA de cette histoire-là? Parce qu'il y a eu des répercussions un petit peu partout, là. Fait qu'à TVA, il a dû en avoir un peu, quand même. Non, à date, ben, y a des gens qui ont eu des nouveaux postes. C'est tout. Moi, il y a ma carte du parking qui ne fonctionne plus. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez un char rouge? C'est ça. Exactement. Ben là, non, il est assez bleu, mon char. Ah oui? Oui, ben bleu, oui. Bleu. Bleu, comme le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Ah, OK, celle-là. Okay. Ouais. C'est bon. Et puis, je fais tellement des références duplicistes avec le début de l'émission. Là, je... On est hot, là, quand même. Écoute, une blague sur Duplessis. Écoute. C'est pas à TVA qu'on entendrait ça, là. Non. Juste le dire. Non, nous juste des ratings, on aime ça. mais nous, c'est la qualité qu'on aime. Ce qui est le fun d'entendre Charles Lafortune à la radio, c'est que la dernière fois qu'on vous avait entendu à la radio, c'est en juin à C'est quoi, après 10 ans, ben, théoriquement. Là. Ouais. En 10 ans de radio à C'est quoi. Ouais. Et puis là, on n'en fait plus. Pourquoi? Parce que je me suis parti une boîte de production, puis je voulais faire plus de télé, puis c'est ça. Fait que j'ai comme arrêté la radio. Je me suis offrir d'autres choses, mais je voulais pas me lever à 3 heures du matin. Ben, donc, c'est ça. Mon Dieu, c'est pas si pire que ça. 3 heures du matin, l'hiver à moins 37, hey, pas de soleil. God. Non, non, c'est ça. Non, mais j'aime ça aussi, être en couple et avoir une vie. Ah. C'est un détail. C'est surévalué aussi. Non, mais ma blonde m'a vraiment dit, tu sais, je te divorce. Ah oui? Fait que ça a comme arrêté les négociations. Ah, c'est plus facile après ça, hein, de dire, je vais faire plus de télé, je pense. Ouais, c'est absolument le fun de la télé en même temps. Ouais. 26 semaines, merci, bye. Quand même. Ouais. Mais il demeure que la radio est un très beau médium. Tout à fait. Tout à fait. T'es vraiment à la radio, t'es vraiment bon. Est-ce que c'est un « t'es vraiment bon » comme dirigeant vers moi ou on est bon à la radio parce que c'est plus facile? Écoute, prends celui qui te réconforte le plus. OK, bon, on va parler... Non, c'est vrai, t'es bon à la télé. T'es très bon. Non, Charles, arrête. Très bon. On va parler de ta petite émission du dimanche soir. Non, mais je veux pas avoir d'insécurité, là. C'est ça. Non, il est trop tard. Nous autres, j'ai ça après ça la semaine suivante. Hey, on va parler de la voix parce qu'il faut quand même en parler. Oui, quand même, on en parle pas assez. Mais non, un petit coup de main quand même avec la voix. Ça va pas bien, les codes d'écoute, hein? On a dans beaucoup de difficultés. 2,5 millions, 2,7. Pas fort. Ça va pas bien. T'es clairement pareil, ça fonctionne à fond. C'est un ovni. Il y a quand même 5,5 millions de personnes qui l'écoutent pas, là, je veux juste dire ça. J'aime ça parce que c'est une terre à conquérir. Ben oui! C'est un beau défi. C'est un beau défi. Mais moi, c'est vraiment la seule émission de ma vie où je peux rentrer dans un dépanneur et puis la personne qui est vraiment zéro francophone me regarde et dit « Oh, you're the guy from The Voice. » Pour vrai? « You're the guy from The Voice. » The Voice! I don't watch TV, francophone TV, but... Je comprends absolument rien ce qu'il dit. Mais là, The Voice! Y'a de gars pour me le voir! Fait que c'est fini, étonnant. Là. Y a plus d'anonymité pour... D'anonymation. D'anonymisme. D'anonymisme. Et voici Anonymous, mes amis! D'anonymisquité. Non. Pour Charles Lafortune. De promiscuité, oui. Ah, c'est-tu vrai? Ben, tu sais... Non, je sais pas. Dépanneur. Je sais pas. Hey, il y a une affaire qui m'intéresse chez Charles Lafortune, c'est la LNI. Parce que longtemps, vous avez fait de l'impro. Longtemps. Oui, ouais, beaucoup, oui. Puis vous êtes visiblement très, très, très fort. J'étais un bébé, l'impro. Oui, mais... Moi, j'ai découvert l'impro. Je gardais ma petite soeur, mon petit frère. Puis là, j'ai découvert ça à Télé-Québec. Ben ouais. Et puis je capotais. Là. Moi, voir Patrice Lécuyer essayer de faire des fous rires à Robert Gravel. Voir Robert Lepage faire New York, ouais, seul. Malade, partir de faire la Statue de la Liberté, descendre. Je capotais. Fait que je suis vraiment un enfant de l'impro totalement. Puis c'est le fun. Mais en fait, c'est la seule... Je dirais que c'est ma formation d'animateur, elle vient de là. Tu sais, j'ai pas... Ça s'apprend pas vraiment à être animateur. Oui, tu peux suivre des cours, là, Tu peux aller en ATM, tu peux... Juste pour moi, c'est évidemment, faut que je... Toi, t'as joué en impro, non? Oui! C'est sûr. Ouais. À Chicoutimi. Ouais, ben à Chicoutimi, regarde, je veux dire, il y avait quand même du monde qui savait parler, viens. Non. Bon, parce que ça commençait tout par là, là. Entre toi et moi, Fred, quand tu pars de Chicoutimi, t'es déjà en avance. C'est comme une mafia. Exactement. Ça, c'est comme pas un défaut, là. Non, c'est clair. Non. Tous les vendredis soirs, Rémi Girard et moi, on se réunit. Ouais. Ah ouais. Sûrement. Ben, puis c'est bon, on décide de l'avenir du monde. Mais c'est comme ça que ça se passe au Saguenay. Qu'est-ce que vous voulez, c'est demain. Mais est-ce qu'on va refaire de l'impro? On pourrait se créer une équipe. Moi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais ça refaire de l'impro? Ben oui. Moi, j'adorerais ça. J'aimerais ça refaire. Bon, c'est une équipe? Ouais, moi, c'est le temps. C'est comme. Ben, c'est... Mais non, il y a 10 émissions de la voix par année, vierge. Ouais. Ok, bon, c'est vrai. Ben, on en reparle tard. Il y en a 13. 13? Je pense qu'il faut t'en parler à Sophie, Jean-Philippe. Ah, c'est oui, ça. Oui, c'est pas. D'ailleurs, ça. Sophie Préjean, oui. Qui est à boss de l'UDA. Oui, président de l'Union des artistes, qui fait de moi Michelle Obama. Vous êtes la première dame des syndicats. Je suis le premier homme de l'Union des artistes. C'est oui. Très beau, ça. Oui, c'est ça. Est-ce que la présidente s'est fait approcher par les partis? Non. Ben voyons donc. Non. Ils sont pas cheap. Pas encore. Mais parce qu'il y a tellement... Pas encore. Moi, je pense que ça va arriver un jour. Parce que le PQ a beaucoup... Et là, je pourrais utiliser l'argument qu'elle m'avait envoyé pour pas faire de la radio le matin, donc le divorce. Exactement. Ah, on doit avoir hâte. Oui, c'est ça. De me revenger. Pas le droit. Mais n'empêche, avec le nombre d'UDA qu'il y a au PQ, parce qu'il y en a pas mal, hein? Il y en a-tu encore pas mal? Ben, il n'est plus là. Il y en a plus. Il n'était plus UDA, lui. Puis avec Jean Carrière. Maca Cotto. Ouais. Sylvie Legault. Lorraine Pintard. Ouais, mais là, on parle des élus, là, pas du monde qui se présente. Mais quand même! OK. Mais des potentiels. Des potentiels. Mais c'est une potentielle? Arrête-tu de mettre ça, façon? Je pense pas pour le moment, non? Je pense pas. Pour le moment, là, non. Non. Parce que président de l'UDA, il y a quand même un certain rôle politique. Là. Ouais, il y a une belle place, c'est libéré. Jean Carrière est parti, là, monsieur. Il y a bien de la job aussi à l'UDA. Ouais. Je pense qu'elle va plus se concentrer là-dessus pour que. Puis Charles Lafortune, est-ce qu'il s'est fait contacter par un parti en particulier? Pas du tout, moi. Même pas? Ben non. Ils sont bien devenus cheap. Je suis un clown, moi. Un beau salaire de 82 000 par année. Oui. Aïe, aïe. Alors, Pierre Carl est allé pour la paye, on s'entend, c'est sûr. Hey, c'est clair. Non, mais t'as un 15 000 piastres de dépense, je pense aussi. Pour vrai? Ça, oui, faut que ça arrondit à 100 000. T'es correct, voyons donc. Puis Pierre Carl, as-tu encore besoin de faire d'argent? Est-ce qu'il est financièrement autonome? Je pense que oui. Je pense que ça va bien. Ouais. Je pense que oui. Ben, je m'inquiète pour lui. Oui. Je m'inquiète vraiment pour lui. Et tu sais, quand il va, lui, regarder son REER pour savoir quel type d'investisseur il est, Ouais, l'ordinateur explose. C'est ça. En fait, c'est un modèle, Pierre-Carl Péladeau. Quel type d'investisseur vous êtes du type Pierre-Carl Péladeau? Ah, oui, ça va. C'est bon. Hey, on va recevoir Véronique Yvon tout à l'heure. Oui. On va parler de politique. Oui. Mais j'imagine qu'avec un char bleu, on va te PQ. Moi, je sais pas si je voterai, si je vais voter PQ. Je sais pas, je vais laisser la course aller. Ouais. Mais je voterai Véronique Yvon. Oh, ben. Parce que je trouve que c'est une ministre qui a le cœur à la bonne place. Je sens pas le cynisme. Je sens pas qu'elle espérerait être ailleurs, avoir un autre portefeuille. La cause de l'autisme, c'est la première qui vraiment va l'adresser, qui va arrêter de juste dire « Ah, on va essayer de faire de mieux en mieux. » Vous la croyez? Je suis comme moins drôle. Là, non, mais c'est vrai, mais c'est intéressant ça, parce qu'on va en parler. Oui, et puis elle a présenté son plan pour l'itinérance à Montréal. Puis elle a vraiment le cœur à la bonne place. Je peux pas dire que... Tu vois, comme tantôt, elle a ri une couple de jokes dans le monologue d'ouverture. Ouais. Le magazine itinéraire, elle l'a pas ri. Ah, mais ça... elle l'a pas entendu, elle était au téléphone. Mais de toute façon, on reste ici. Ouais. On fait nos petites blagues là, d'itinérance. Puis on revient avec Véronique Yvonne dans quelques minutes. Hey, vous savez que la venue de Pierre Carl en politique pose de grandes questions sur son empire, évidemment. Et heureusement, Serge quelque chose a la solution. On l'écoute. Salut tout le monde, c'est Serge quelque chose en direct de la de grosse vente de liquidation de Québecor. Tout doit partir, sinon notre boss PKP ne pourra pas devenir ministre. C'est aussi simple que ça. On a des belles affaires pour vous, le choix est grand. J'ai ici le Journal de Montréal, idéal pour ceux qui veulent manipuler les masses et qui se tiennent chez Tim Hortons. Ça vient avec 450 chroniqueurs et 400 pages de pubs de char, mais ça vient aussi avec Richard Martineau et Sophie Durocher. On est vraiment désolé. Alors faites-nous un prix, on est achetable. Pour les gens plus visuels, on a également le réseau TVA qui doit partir. Ça comprend des émissions américaines bas de gamme, des les romans Larmoyant et aussi Charles Lafortune. Si vous dites Guy Jodoin au moment de payer, on vous donne un exemplaire gratuit d'Éco-Vedette. On a également le réseau Sun News à laisser aller pour vraiment pas cher. Si vous aimez magasiner chez Walmart et que vous aimez vomir sur le Québec, ce sera le complément idéal pour vous. Si vous dites Guy Jodoin au moment de payer, les gens de Sun News vont vous dire d'aller ch**. Et justement, pour les amateurs de potins, on a également un champ et une barge de magazines de vedettes à se départir. Pas besoin de savoir écrire, juste à avoir un bottin de l'UDA, puis ben de l'imagination. Et si vous dites Guy Jodoin au moment de payer, il se passe rien, comme dans Sucré Salé. On a également des restants de barres amaigrissantes Weight Watcher. Et c'est avec ça que Julie Snyder a perdu 23 livres. On en a saveur de surette et d'aigris. On les laisse aller pour vraiment pas cher, puis ben honnêtement, sont déjà sur le bord du chemin. Alors, on est ici jusqu'au 6 avril à minuit pour la grande vente de liquidation de Québecor, parce que chez Québecor, il n'y a pas juste dans le contenu qu'on est cheap. Oh, hey! Je vais dire quelque chose. Un peu loin. Charles n'a pas ri. Non. Hey, vous savez qu'on devrait théoriquement parler à Jean-Sébastien Girard, mais comme il est en vacances, on va faire notre deuil en groupe. Oui. C'est fait vite, hein, quand même. C'est très vite. Moi, Non, il n'y a pas de... Je trouve ça bon, je trouve ça roule, il y a du contenu. Il n'y a pas de méchanceté. Prends des notes. Oui, parfait. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui aimerait que l'hiver fasse comme la CAQ et disparaisse. C'est pas fin, qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui se passe? On est bien. Voyons donc. Elle n'est pas encore disparue. Elle va disparaître. Non. Oui. Ben, je veux dire, oui. Oui, elle va disparaître. Ouais, ben, je pense, ben. Fait qu'on va se retrouver encore avec deux parties. Ben, tu sais, il y a Option Nationale. Oui. Une petite blague. Encore, fort, c'est une petite blague. Ils vont disparaître, Option Nationale? Non, je pense que c'est comme un... Option Nationale, c'est comme une roche d'un soulier. Je vous en parlerai après. Ah, oui, excusez-moi. Excusez-nous. On a du fun. J'ai envie de faire un peu de décryptage cette semaine, Jean-Philippe. Abattre certaines idées reçues, c'est dans l'air du temps, je pense, particulièrement depuis que PKP s'est lancé en politique. Désolé, Charles, je vais parler de PKP. Cela dit, je n'entrerai pas dans les détails à savoir s'il doit vendre ou non son empire médiatique, advenant le cas où il serait élu. Mais c'est bien d'en parler de maintenant, puisqu'il fait peu de doute qu'il sera élu. J'ai entendu le Vox Pop fait à Saint-Jérôme sur nos ondes. Et en grande majorité, les Jérômiens sont honorés d'avoir été choisis par le patron de Satan pour qu'il fasse le saut en politique. Ah, visiblement, les gens de Saint-Jérôme ne travaillaient pas chez Québecor pendant les 14 lockouts décrétés par PKP sous son règne. Mais je sais, je vous entends dire, Fred, arrêtez donc de chiquer la guenille. Et vous avez raison, il ne faut pas être rancunier. Et comme on dit au PQ, cessons de farfouiller dans le passé, bouchons-nous le nez et faisons l'indépendance. Et c'est là que je me pose des questions, mes amis, parce que j'ai l'impression qu'on nous cache quelque chose avec l'avenue de PKP au PKQ. On le dit farouchement indépendantiste, mais permettez-moi d'en douter. Comment c'est vrai, je ne le connais pas dans le privé, parce que nous, gens de gauche, connaissons peu de gens dans le privé. Peut-être que dans le privé, PKP, c'est Bobby à la lecture d'un vers de Miron. Peut-être qu'une larme lui coule des yeux lorsqu'il entend Pauline Julien chanter « Quelle larme à la tendresse », bien que dans le cas de PKP, quand les yeux lui coulent, c'est sûrement des allergies. Mais là, je divague de mon propos, et mon propos est houleux. Oui, car ma question est la suivante. PKP est-il vraiment indépendantiste ou ne viendrait-il pas en politique pour faire le ménage? Parce qu'on le sait, le PQ fait depuis plusieurs mois un virage pas très subtil à droite, laissant la gauche s'entre-déchirer au sein de Québec solidaire dans un autobus blanc et vide, pendant que les prospecteurs de pétrole se chaînent la drille en attendant de faire fortune anti-Costi. Mais une foule de questions se pose. Si PKP est si indépendantiste, pourquoi sortir du placard si tard? Voilà un homme qui a créé une entreprise comme Johnson News, qui a essentiellement pour but de faire du Québec bashing et d'engager des bimbos et des marionnettes à la solde du grand capital. Voilà un homme qui, oui, est certainement séparatiste, Julie Schneider en est la preuve, mais qui a quand même, mais qui a quand même été soupé en 2009 au 24 Sussex avec le premier ministre Stephen Harper, qui n'est pas à proprement parler un crypto-souverainiste. Voilà un homme qui tient absolument à ce que Brian Mulroney, un premier ministre qui n'était pas un crypto-souverainiste lui non plus, tienne les rênes de Québécois advenant l'accession de PKP à l'Assemblée nationale. Je sais que les gens s'inquiètent de l'objectivité politique de Québécois durant la campagne, ce qui équivaut pour moi à s'inquiéter du sexe des anges, parce que la véritable inquiétude est de savoir qui pourra arrêter PKP quand il voudra transformer le Québec à l'image de son entreprise. Voudra-t-on encore du Québec indépendant avec un Hydro-Québec privatisé et défectueux d'électricité à 2000$ par mois même en été? Voudra-t-on encore un siège à l'ONU alors que nos malades ne seront pas mieux soignés après la privatisation du système de santé? Parce que si c'était une si bonne idée, il n'y aurait pas 50 millions d'Américains sans aucune couverture médicale qui n'ont même pas les moyens de se faire enlever leur gilet qui leur bloque la vue depuis trop longtemps. Voudra-t-on encore jouer du triangle au grand concert des nations avec des garderies à 40$ par jour et nos femmes qui retourneront derrière les fourneaux alors que nous mangerons très mal puisqu'on le sait que maintenant il n'y a que les hommes qui cuisinent bien puisque c'est patriarcal pour une femme de faire la tarte? Je vous plains, mortel, d'avoir à réfléchir à tout cela, puisque pour ma part, en tant qu'employé de Radio-Canada, j'ai la chance d'avoir un attachement indéfectible envers le Canada. Ce beau grand pays qui paye mon salaire et qui me permet, si j'en avais vraiment envie, de le visiter d'est en ouest, d'aller m'humidifier le pantalon à Vancouver à 300 jours de pluie par année, d'aller m'endormir dans un bar country de Calgary, d'aller contempler la quintessence de l'ennui à l'infini dans les plaines de Winnipeg, d'aller me sentir comme dans un New York des pauvres à Toronto. Alors, chers provinciaux mortels, c'était le message que j'avais à vous livrer. Réfléchissez bien avant d'apposer votre croix le 7 avril, car je vis dans un pays de droite et c'est extrêmement pénible. Oh, merci. Hey, vous savez qu'il y a une personne qui n'a pas applaudi à part moi, évidemment, c'est Charles. Non. Mais Fred, il te reste plus grand-chose, finalement. Non, je sais. J'ai mon fils. Il te reste pas grand-chose, ouais, c'est ça. Est-ce que tu habites dans le 450, au moins? Non, même pas. Ah, même pas. T'es non. Vraiment... Il n'y a pas les moyens. Fred, notre deuxième invité. Elle nous a charmé lors de sa première visite, mais elle nous a surtout convaincu qu'elle avait les tops des grandes politiciennes. Accueillons la candidate péquiste dans Joliette, Mme Véronique Yvon! Madame Yvon, on est tellement contents de vous recevoir. Hey! Bon, première... Hey, ça me dérange pas, moi je vais prendre la bière que Véronique ne prendra certainement pas. Non, mais il y en a plusieurs. J'ai une petite blonde ici, là. Une blonde. Ah, bon, je vais prendre la même que toi. Je vais prendre oui. Ça. OK, oui. Parfait. Mon ça, Dieu, ça bon. Boit vite quand même. Oui, hein, quand même. Mais écoute. Vous êtes une pièce d'homme. Hey, écoute, vous, non, écoute-moi, je viens du privé quand je veux quelque chose de gratuit. Oh, c'était un peu payé par vos taxes en même temps. Ah, tout à fait. Voulez-vous une bière? Non, ça va. Charles a bien vu. Il me reste quatre autres activités, évidemment, après ce soir, hein, en pleine campagne électorale. Et en plus, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Oh! Et là, on va se pratiquer. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! OK, merci. Non, parce ça que va. Quand même, c'est faut, trop. Faut c'est pas qu'on ait l'air partisan. Non, ça, c'est non. Vrai. Hein? Et vous allez avoir l'ombudsman oui, sur non, le je dos. Sais, je sais. Et puis, il est pesant. Oui. Parce que c'est tout arrangé, ça. Hein? Vous m'avez invité, sachant que c'est le jour de mon anniversaire, pour me donner un privilège, une longueur d'avance. Absolument. Merci. Mais on ne savait pas que Charles allait vous aimer à ce point-là. Fait que là, moi, moi non plus, après, je ne le savais pas. Je suis prête à l'inviter à venir vivre à Joliette. Ça serait, on ferait des belles choses ensemble. Bon, en plus, on a quelqu'un ici. Vous pourriez avoir une tuque de chez Henri comme quelqu'un ici. C'est un magasin de Joliette? Oui. Mon Dieu. Un restaurant fort de Joliette. Arrête qui fait donc. Ses propres trucs. Et donc, je suis très fière d'avoir, quelqu'un, d'avoir dans le public. Quelqu'un dans le public mon qui me Dieu. Rappelle, vous savez... Mais c'est un addon. Hein. Ça, par exemple, mon c'est pas coin pour vous pays. Qu'on a fait non, ça. Mais non, quand ça, même. On, okay. Vraiment, il vient souvent. non, mais là, c'est pas parce que c'est votre anniversaire qu'on parlera pas de Pierre-Carl Péladeau. Non. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Hein? Parce que nous, le journaliste, bon, pas moi nécessairement, mais je veux dire, j'ai beaucoup de contacts chez les journalistes. Et samedi soir, parce qu'on a appris ça dimanche vers 11h30, samedi soir, courait la rumeur que Pierre-Carl se présenterait. Mm-hmm. Alors là, on était sur les textos, j'ai contacté tous mes contacts, c'est-à-dire mon père, et tout le monde niait la venue de Pierre-Carl. En fait, personne n'y croyait, même au PQ. Et finalement, ben, il a été annoncé quand même comme candidat à Saint-Jérôme le lendemain. Étiez-vous dans les quelques personnes qui étaient au courant de la venue de Pierre-Carl Péladeau? Non, je n'étais pas au courant. Qu'elle n'est pas fine, Mme Marois, avec vous. Qu'elle n'est pas fine. Mais je dois vous dire que depuis quelques jours, je me doutais qu'il devait y avoir quelque chose de gros dans Saint-Jérôme. Comment ça? Parce que vous étiez plus qu'à changer de poste? Parce que il y avait comme de l'interférence. Il y avait toutes sortes d'interférences sur mes lignes et tout ça. Puis je me disais, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Moi, je suis dans le 4-5-0 aussi. Ben, c'est ça. Ça fait que j'étais affectée directement. Donc non, je ne le savais pas. Je l'ai découvert comme vous. Ah! Est-ce que vous étiez heureuse? Oui, je trouve que c'est un homme tellement, on l'a vu hier, comique. Hein? Malheureusement, il ne vient pas ici. Je comprends que vous avez une petite dent conclue en ce moment. C'est pas la première qualité que j'aurais donnée à Pierre-Carl. Ouais. Comique. Mais on est en train de découvrir toutes sortes de nouvelles facettes de Pierre-Carl Péladeau. Ouais. Puis vous savez, au Parti québécois, on est toujours très généreux. On apporte toujours un bon lot de rebondissements dans la vie politique publique. Donc, on a été bon avec celui-là, je pense. Vous êtes quand aussi, même hein? Vous êtes plus ouvert que la charte laisse le croire. Hein? Oui, on est très inclusif. Hein? Ben on est capable d'inclure Pierre-Carl Péladeau parmi nous. Est-ce que vous êtes capable de passer la charte quand même? On a tout un spectre. Vous savez la rumeur qui a roulé aujourd'hui? Paraît-il que c'est un de vos conseillers, Michelin, Daniel Michelin, qui était prévu, en fait, on avait presque promis le comté de Saint-Jérôme à M. Michelin. Pas de Saint-Jérôme, de la Pinière. De la Pinière, pardon. Oui, on s'y perd, hein, il y a tellement de rebondissements. Regardez, vous savez, moi voulez-vous, je mettrais rien qu'un comté, moi. Oui, ça serait plus facile. Ça serait bien plus facile. Charles Lafortune pourrait voter pour moi, ça serait super. Ouais. Ça me ferait tout un honneur, quand même. C'est quand même juste un vote, même si c'est Charles Lafortune, par contre. c'est pas proportionnel au code d'écoute, hein? Si jamais je dis, prenez la commande, faites les commandes et appuyez sur le triangle jaune. Ça va peut-être changer, ça, la proportionnalité des voix avec les codes d'écoute. Avec Pierre-Carl Péladeau, il va peut-être introduire ça. Ça serait pas pire. Ça va être le fun. Ouais, ça va être trippant. Il va y avoir plein de... Ça n'a pas été votre fête longtemps, finalement, ce soir. Hein? Non, mais vous parliez de la Pinière. C'est vrai, je me suis trompé. Monsieur Michelin, c'est dans la Pinière. Et puis là, dans la Pinière, Mme Marois a décidé de ne pas présenter personne pour donner la chance à votre nouvelle amie, Fatima Oudopépin. Oui, c'est ça. Une femme charmante. Tous les députés libéraux qui sont venus vous voir vous en ont parlé, d'ailleurs. Hein? Ouais. Comment elle était charmante. Ouais. Donc, c'est ça. Il n'était pas fin avec Fatima, mais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Hein? Ouais, il avait l'air d'avoir une petite crotte sur le cœur. Ben oui, sur la peau Fatima, qui est somme toute très gentille. Tout à fait. Est-ce que vous l'avez approchée? Une femme de principe. Vous l'avez approchée? Hein? Non, je ne pense pas qu'on l'a approchée. Alors, elle était très bonne dans votre parti, dans votre nouveau parti de l'Unisson. tout à l'heure, on en parlait avec Charles, qui vous aime beaucoup. Et puis, on lisait le dossier, puis c'était bon, mais on va être capable de la mettre dans un coin. Comment, Madame Yvon? Parce que c'est la ministre chouchou. Tout le monde vous aime. Tout le monde vous aime. Vincent Marissal vous aime. Il a écrit que Véronique Yvon était la meilleure carte de visite du PQ, que les stratèges péquistes auraient intérêt à mettre de l'avant, en campagne électorale. Vous savez pourquoi je dis ce soir? Hein? Pourquoi? C'est un grand complot des stratèges péquistes. Arrêtez donc. Mais je le sais que les stratèges péquistes aiment beaucoup notre émission quand même. Effectivement, parce que c'est tout le temps si facile de venir ici. Mais c'est quand même facile. Non, mais vous ressortez quand même avec, avec un petit shiny. Oui. Pensez. Oui, okay, tout à fait. Oui. Non, mais je veux dire, en même temps, on ne peut pas attaquer Mme Yvon, vous l'avez dit tout à l'heure, elle était moins gentille. Ce qui m'attriste le plus, c'est qu'on risque de lui donner plus de... Elle risque de prendre du galon, donc c'est moi, ce qui m'intéresse, l'autisme, je risque de la perdre, en fait. Mais peut-être pas, peut-être qu'elle va avoir plusieurs. Est-ce que ça sent la lavande dans vos bureaux, vraiment, ou est-ce que ça sent la majorité? Oh! Il y a plus d'expérience que moi dans l'émission. Ça paraît. C'est à vous de me le dire. Je sais pas. Moi, je pense que ça va bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup en ce moment. C'est un big-bang politique qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire? Et puis, il y a comme un réalignement des choses là, depuis la venue d'un certain Pierre-Carl Péladeau, qui semble quand même créer un certain émoi chez vous. Et, dans le McLean aussi. Et dans le McLean. sur la couverture, du moins. Oui, effectivement. C'est vrai, we will break Canada. Donc, je suis quand même confiante. Je pense qu'on a des choses extraordinaires à faire. Puis moi, j'en ai des choses extraordinaires à continuer à mener en autisme, en itinérance, pour mourir dans la dignité, pour le soutien communautaire. et que ce soit moi, que ce soit notre parti, que ce soit l'équipe. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour plus de justice sociale. Mais justement, si vous arrivez au pouvoir avec une majorité et comme vous êtes la nouvelle coqueluche, vous aurez probablement un plus gros ministère, comme Charles l'a dit. Vous allez perdre les dossiers intéressants et qui intéressent, qui intéressent Charles en particulier, mais qui vous intéressent aussi avec la mourir dans la dignité que vous avez traîné pendant longtemps. Est-ce que vous allez quand même garder ces dossiers-là? Est-ce que vous avez le droit j'aime de dire... ça, mourir dans la dignité et traîner pendant longtemps. Ouais. J'adore ça dans une phrase. Ça, là, c'est ce qui s'appelle de l'improvisation. Ouais, non, mais le dossier vous habite tellement que vous êtes rendu... Non, mais c'est parce que moi, je pense aux gens comme les gens de la CAQ. Et je trouve que mourir dans la dignité, ça leur va bien. Mais quand vous allez on fait pas de blagues avec mourir dans la dignité. Non, vous avez pas compris, il y a une bulle autour de mourir dans la dignité. Je le sais. La non-partisanerie, c'est un dossier. C'est pas vrai, parce qu'il y a Philippe Couillard qui a décidé de pas le passer, ce maudit projet de loi-là, avant de partir en élection. Pour 4 heures. Pour 4 heures de débat, ils ont mis 4 ans de travail de côté. Oui, mais paraît qu'il donc, t'avait une méchante envie. Donc, je m'en remets tranquillement. Il y avait une méchante envie. Paraît-il, ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mais quand même, là, vous allez arriver majoritaire probablement, ou sinon minoritaire, vous allez repasser ce dossier, ce projet de loi-là. Est-ce que ça va passer? Je l'espère fortement, mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Puis j'invite les gens à en parler à leurs candidats pendant la campagne électorale de ce dossier-là, parce que c'était comme si la minorité, la petite minorité qui s'opposait se faisait entendre, alors que la vaste majorité s'est pas fait beaucoup entendre dans les derniers temps, dans les derniers jours où, malheureusement, à cause d'un refus de l'opposition pour 4 heures de débat supplémentaire, on n'a pas pu le passer. Alors, je pense que ça, c'est ce type de choses, là, d'événements-là qui alimentent le cynisme. Et pendant 4 ans, on avait réussi à mettre de côté la partisanerie, à, je pense, autant sur le fond que sur la forme de comment on avait mené le dossier, à un peu redonner ses lettres de noblesse au Parlement puis à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il va falloir revenir un peu dans l'état d'esprit dans lequel on était pendant ces 4 années-là et oublier les 4 derniers jours qui, je pense, ont fait oublier beaucoup des efforts qu'on avait réussi à mettre en commun. Vous êtes très convaincante. Et des fois, j'oublie que je suis en campagne électorale et je dois quand même vous challenger. Puis j'ai envie... bon, le début était pas pire. Ouais, non, OK, parfait. Mais bonne chance l'émission pour les prochaines. L'émission au complet, pas pire comme challenge. On fait ça à reculons. Moi, je m'écœure. on fait souvent des bains pour se purger à la fin de chaque émission. On va se remettre à la vente, ça sent bon. Ouais. je peux vous en apporter la prochaine fois. Hey, mais ça a tellement l'air de la fun. La bande Unisson, c'est notre nouvelle marque de commerce. C'est vrai. Attendez voir nos prochaines pubs. Oh. Attendez. Dans un champ de la vente, tout le monde tout nu. Mon Dieu, que ça va être bon. On a très, très... Tout le monde tout nu. Non? Non, non, non. Il y en a juste un, puis il était à CAQ. Oh! On est obligé de finir là-dessus, je pense. Merci beaucoup. Ben oui, je trouve ça super bon. Ah, encore une fois, un joyeux anniversaire. Ah, ben merci. Ça mais vous restez avec nous, là. Ça fait mon anniversaire d'être ici. Avouez quand même. Hein? J'avoue. T'es assez côté avec, de Charles avec chez Henri, puis quelqu'un de Joliette avec moi et les compliments de Charles. Quoi demander de mieux? Qui va gagner à La Voix cette année? Oh boy, qui va gagner? Mais j'écoute La Voix. Hein? Ça serait pas très, très, très efficace de ma part de venir spéculer. Non. Mais j'ai eu de la peine. Moi, il y en a une qui a quitté Shank. J'ai eu de la peine, je dois dire. Oui. J'ai eu un petit camp, j'ai vu du. Pour rien faire pour ça, Non, c'est ça, hein. Il n'y a pas moyen, hein. Non, je peux pas. Mais c'est correct. Vous avez mis un bombe sur ma peine. C'était beau me parler de Pascal Pelado pendant 1 heure. J'ai pas tant de power que ça, là. Mais si j'en parlais à Pierre-Carl, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose, hein. C'est ça. Qui se mêle pas de ça. Il est occupé, là. Qui laisse les choses sérieuses à La Fortune et La Porte. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Bon, merci énormément. Prenne notre prochain chroniqueur. Heureusement que l'écoute intensive de la radio Jambon ne rend pas sourd, sinon il ne serait pas juste muet. Voici la chronique d'Olivier Niquet. Yeah! Ah, on rit avec ça, mais c'est pas drôle. Non. Ma mère aime pas ça. Non, allez, parlez. Ben, décidément, le PQ a le don de mêler tout le monde. Hein. Avec la charte, on a vu des féministes de gauche défendre les libertés individuelles voilées. Avec PKP, on voit maintenant des gens de droite s'inquiéter pour un amphithéâtre de gauche promis à des fédéralismes et construit par un souverainiste. C'est donc pas étonnant que certains aient perdu leur repère historique, comme Jean-Pierre Charbonneau du Club des Ex, qui aimait bien la nouvelle coalition des forces indépendantistes. En France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance française là, qui se battait pour la liberté, bien, il y avait les gaullistes, les communistes puis les socialistes qui étaient dans le maquis ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait un pays. Bon, faut dire qu'il y avait aussi la Luftwaffe au-dessus de la tête, là, ça aide à faire des compromis, mais bon. Quant à Jean Garon, ancien ministre péquiste, qui était chez Éric Duhaime cette semaine, il aime bien les coalitions jusqu'à un certain point. J'avais pas voulu rester avec Bourgault parce que je n'avais pas confiance à Bourgault. Vous dire, les... Bourgault était un vrai souverainiste. Oui, puis... Mais moi, les batailles homosexuelles, ça m'intéressait pas. Bon. OK pour une coalition, mais pas trop collée, s'il vous plaît. Il y en a d'autres, comme Amir Kadir, qui tenait à nous avertir que les coalitions, là, c'est pas toujours bon. Pour l'indépendance de l'Iran par rapport aux Américains, il y a 35 ans, des milliers de gens de la gauche à la droite ont appuyé Khomeini. Regardez ce qu'on récolte aujourd'hui. Une comparaison un petit peu exagérée, sauf peut-être pour André Arthur, qui avait des bons mots pour PKP. Un dictateur en politique, c'est bien pratique. À condition que les gens vous laissent faire. Bon, évidemment, un dictateur lâche et lousse au PQ engendre beaucoup d'inquiétudes, notamment pour ce qui est de la liberté de presse. Une fois le choc passé de voir un gars de droite qui emploie la moitié des animateurs de Radio X joindre un parti qu'il déteste, les 10 animateurs ont trouvé une parade pour enlever le focus sur la possible influence de PKP sur Québécois. Denis Gravel. Même s'il y avait une direction politique dans le Journal de Québec, il ne serait pas capable d'être aussi pro-PQ que Radio-Canada. Ben non, ben non, ben même ben en forçant. Et voilà. Et sans se forcer, Stéphane Dubon a lu le même mémo. Qu'il y ait des contacts à TVA, au moins lui, on le sait. Pauline Marois, avec ses entrées à Radio-Canada, ça, c'est caché. Ça, on sait pas. Bon, ben là, on commence à le savoir, je dirais, là. Et comment justifier que le PQ avec un gars de droite n'est pas mieux qu'avant? Facile. Écoutons Dominique Moret. Puis je veux juste mettre un haut là sur PKP et la droite, là. C'est pas de la droite. OK? C'est pas de la droite. C'est un businessman avec un bon plan d'affaires. C'est tout. Et oui, un bon plan d'affaires qui inclut la convergence, l'antisyndicalisme et Sun News, mais bon, on va pas s'obstiner sur des détails. Jean Lapierre, lui, travaille pour Québécois, mais a une petite tendance à spinner le message des libéraux en en mettant plus que le client en demande. Les libéraux disent que PKP au PQ va nuire au retour des Nordiques. Jean Lapierre sort son chandail des Nordiques. Pourquoi porter un chandail des Nordiques de Québec à la télévision? Parce que c'est tout ce qui se parle à Québec. Écoute, tout le monde a peur. Dis, ben là, avec Pierre Carl qui est rendu séparatiste avoué, est-ce que les dirigeants de la Ligue nationale vont être choqués? Hey, Jean Lapierre, là, y est-tu comptabilisé comme une dépense électorale? En tout cas, la semaine passée, le FM 93 à Québec a réalisé un vox pop en demandant à des quidam de nommer les trois chefs de parti. Et la vaste majorité des réponses ressemblait à ceci. Ben, Pauline Marois. Mais sinon, non. Es-tu capable de nommer trois juges à l'émission La Voix? Non plus. À La Voix? Ah, ben oui. Éric Lapointe, Samuel Boulay, puis Marc Dupré. Bon, je suis pas mal sûr que c'est en écoutant ça que PKP a décidé de faire le saut. Mais juste à écrire sur les pancartes que c'est lui le gars qui diffuse l'émission La Voix, puis c'est la majorité assurée. Du pain et des jeux, comme disait l'Ayatollah Khomeini. Sinon, grosse coupe, Joanne Marcotte, récemment congédiée du Journal de Montréal parce qu'elle ne respectait pas les critères journalistiques de base, faut le faire, a obtenu la date du prochain référendum. C'est quasiment une blague. C'est du gros potinage de réseaux sociaux, là. Tu sais, mais c'est ça, je reçois un avis comme quoi un proche d'un proche du PQ avait encerclé la date du 22 juin 2015 pour le référendum. Et oui, un scoop basé sur du potinage de réseaux sociaux, voilà qui devrait la remettre sur le droit chemin de l'éthique journalistique. Bref, PKP a mêlé beaucoup de monde. Mais heureusement, nous venons de le démontrer, les radios d'opinion sont les seules à dire les vraies affaires sans censure, comme l'expliquait Jeff Fillion. Moi, je pense que les gens y aiment ce qu'on dit. Ils aiment le fond de notre pensée. Puis ils savent que là-dessus, on n'aura pas de compromis. Ça, c'était tout juste 3 minutes après avoir dit ceci. Voulez-vous que je vous dise tout ce que je pense dans ma tête pour vrai? Une demi-heure après, je suis plus là. Ils viennent me sortir. Ben comme tout le monde. Ils vont m'envoyer quelqu'un, des gars de sécurité. Ils vont dire, gars, t'es en dehors, merci, ben, on met la musique. Qui croire dans tout ça, je le sais pas. Écoutez donc à voix à place. Merci. Merci, Olivier. Surtout ce dimanche, hein, c'est les champs de bataille. D'accord, merci. Ben, regarde, juste, c'est comme ça. C'est quelle heure déjà? C'est à 19h30. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Donc, on écoute de 19h30 jusqu'à 20h, ensuite, c'est tout le monde en parle. Pas d'après mes statistiques, mon homme. OK, avant de me faire mettre dehors, je vais tout de suite passer à mon autre sketch. C'est le retour de notre reporter sans visière qui s'est rendu cette semaine dans un quartier de Montréal où règne la terreur. On écoute. Parc Extension, vendredi matin. Il est 7h10 et Akbar Al-Boukhari se prépare pour une autre journée difficile à son école de quartier. Elle fait ses ablutions, mange une rôtie au napos près de mouton et enfile son voile et son foulard. Évitant les nids de poules, elle marche en zigzag jusqu'à son école, comme on évite les mines antipersonnelles à Kaboul. Dans le petit gymnase, l'inquiétude se mêle aux odeurs de transpiration et de vieux berlingots, alors que les enfants se préparent à monter à l'étage pour une journée d'apprentissage loin des préoccupations politiques. Mais Hagba ne parvient pas à calmer ses inquiétudes. Depuis le début de la campagne électorale, elle se demande bien ce qu'il adviendra d'elle et de ces centaines de milliers d'autres femmes qui ont confié leur âme à Allah, mais qui n'entendent plus parler de la charte des valeurs québécoises. Une charte qui a disparu tel un Boeing de la Malaysia Airlines. Et depuis qu'on évoque l'indépendance du Québec au journal télévisé, Agba a très peur. Car elle ne sait pas si le PKP, cette faction d'extrême droite de la province du Québecor, prendra le pouvoir. Agba craint qu'après une scission du Canada, on l'expulsera dans sa ville d'origine, Bukhara, ou pire, vers l'Ontario. Non, ce n'est pas une belle journée pour Agba, surtout que François Legault est passé à son école aujourd'hui pour promettre du vent et qu'Agba n'a pas besoin davantage de vent, elle qui est déjà en pleine tempête intérieure. C'était Mahmoud Ashrafi pour Reporter sans visière. Oh. Eh bien, théoriquement, on irait encore une fois rejoindre Jean-Sébastien Girard, hein? Mais honnêtement, c'est comme si ça sent la lavande depuis qu'il n'est plus là, je vais vous le dire. On a tellement oublié vite. Ce n'est que du bon. Oui. Bon, enfin, présentez-nous notre dernier chroniqueur. Ben oui. Notre correspondant parlementaire s'en est donné à cœur joie cette semaine, avec cette première semaine de campagne électorale. Ah. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Allez, bonsoir. My God. C'est déjà une très bonne émission, hein, ça vous met de la pression en tabarouette. Je sais, ben en plus, je pense que vous avez fait trois quarts des blagues déjà. Mais en tout cas... Ah, ben je... ah vous savez, c'est en les répétant qu'on les rit plus. Hein. Oui. On est content de vous retrouver, mais vous sentez le brûler. Oui, je m'excuse parce que j'arrive de la salle des nouvelles. Puis tu sais, la gauche, les syndicalistes, Folia qui appuie PKP, le PQ qui vote pour Fatima. Ben, la boussole électorale a tellement spiné qu'elle a explosé. Arrêtez donc! Rien de grave, on est capable d'éteindre ça, des feux ici. Là. Rappelez-vous du mot voyou. En tout cas... Je sais pas, mais quand même, j'ai passé la semaine à courir d'un autocar de campagne à l'autre. Oui. Hein. Comme vous savez, les journalistes les ont baptisés. Hein, l'autocar de la CAQ, c'est le Go-Car. Celui du PLQ, la cage à homard. Et celui du PQ, le PQP. Même si Mme Caron, elle, préfère encore l'appeler l'étobus. D'ailleurs, eux aussi, au PQ, sortent trois fois par jour pour se prosterner devant PKP sur un petit tapis. C'est bien belle fun. Et quand même, on en a parlé tantôt, faut pas oublier l'autobus de Québec solidaire. Ah oui, effectivement. Ben, tu sais, je note, c'est ça qui faisait l'autobus. Alors, il y avait pas de journaliste dedans depuis une semaine, c'est un petit problème. Fait qu'aux dernières nouvelles, ils sont en comité plénier actuellement pour le remplacer par la Smart d'un des militants. Et autre nouvelle d'ailleurs, les satellites chinois là, qui croyaient avoir trouvé l'épave de l'avion de Malaysia Airlines, on a déjà fait finalement, c'était les restes d'Option nationale qui délivraient ça. Ça fait longtemps un peu. Franchement, ben oui. Mais il y a les premières pubs là, électorales. Oui. Comment vous les trouvez? Elles sont bonnes quand même? Tout le monde est blême, hein? On dirait que c'est... Ouais, mais c'est mars, hein? On dirait que c'est... Ou bien c'est des vieux mémoires vives, ou bien c'est Pods qui a comme réalisé, je sais pas. Ouais. Mais Pauline, elle marche. C'est un grand plan séquence. Elle marche, mon Dieu, hein? C'est long ce corridor-là. Ouais. Puis elle est déterminée. Puis elle marche pas de reculons, elle marche devant. Puis tu le sais que c'est Yves Desgagné qui est là, parce que dans la première, elle marche. Ouais, aussi. Elle marche, elle marche. D'ailleurs, mon Dieu, qu'elle marche. Elle a la pleine maîtrise de ses talons hauts, cette madame-là. Là. Ouais. Les deux mains sur le volant, les deux autres, ses chevilles. Là, je veux dire, tasse-toi Pierre Carl en conférence de presse, c'est moi qui parle, il va la mettre en lock-out, c'est sûr. Puis ensuite, les libéraux, hein? Philippe Couillard qui parle pendant qu'il y a des animations derrière lui. C'est comme l'excellent décor en green screen de Jean-Luc Mongrain à l'époque du Grand Journal. C'est vraiment bien fait. Ou bien, ils ont recyclé l'ancien appartement des colocs de Passepartout. Mais vous avez aussi... Ça veut aussi la CAQ, hein? Ça, c'est François Legault qui le dit, c'est le combat de sa vie. Il veut qu'on se donne le lui, qu'on se donne le ouais. Il veut nous donner espoir, hein? Et de quelle manière? En baissant nos taxes. Puis là, le mot espoir vient d'émettre un communiqué pour se dissocier des pubs de la CAQ. Enfin. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais là, bon, ça fait 10 jours. Là. C'est quoi votre bilan à date? Ben, côté promesse au PQ, on promet de contrôler la dette. Hein. Je pense que le dossier va être confié à Daniel Breton. Il connaît ça, gérer des dettes. Ben oui, c'est... Mais, au PLQ, on veut lutter contre l'intimidation. Ça a l'air que Norm Macmillan pourrait être nommé émissaire spécial s'ils sont au pouvoir. Et à la CAQ, c'est l'anti-campagne. Hein. Pas d'anneau de glace, pas de diamant. Donc, Simon-Pierre Diamond ne sera pas de retour à la CAQ. Eh hey boy, c'est loin, ça. Mais là, vous me connaissez. Hein. Ouais, ouais. Moi, c'est facile de me mêler. Puis cette campagne-là fait pas exception. Fait selon ce que j'ai compris, là, le Parti québécois veut parler de charte, mais d'économie, parce que l'emploi, c'est important. Mais là, oups, PKP veut un pays. On veut parler de pays. Mais là, pauvre gouvernement souverainiste quand même. Pauline Marois dit non, finalement, on va parler de gouvernement. Puis là, si on fait la souveraineté, qu'elle dit on va garder le dollar canadien pareil, puis on va se plier à la Banque du Canada, mais il n'y aura pas de frontières. Je dis, c'est où l'intérêt d'être indépendant s'il n'y a pas de frontières avec l'Ontario? Je vous le demande. Gilles Duceppe voulait que Paul Martin vende sa compagnie. Oui. Il veut que PKP garde la sienne, mais pas ça. Sa maman, lui, dit que les Québécois veulent une équipe de hockey, pas un pays. Mais peut-être que les Québécois ne veulent plus entendre sa maman, par exemple. Bernard Drinville, lui, il est où? Selon mes sources, il va proposer de laisser faire le référendum. Il voudrait peut-être un sondage par Internet auprès de ceux qui sont pour. Ce serait quasi scientifique. Quant à Philippe Couillard, qui vient de découvrir que les souverainistes sont souverainistes, il dit qu'un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. Marois dit qu'un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PLQ. Puis François Legault dit qu'un vote pour la CAQ, ce serait bien gentil. Mais... Mais là, pour François Legault, c'est vrai, on l'a dit, la game a changé. Hein? Il pense à Internet. Là. Un de ses candidats a essayé de trouver l'amour à l'humour. Un autre de ses candidats montre ses fesses sur Facebook. Oui. Ça caque de fesses, qu'on dit. Au moins, il les allume pas. Ce qui ajoute à l'idée que 2014 est probablement l'anus horribilis de François Legault. Puis là, il y a un candidat du PQ qui tripe sur Marine Le Pen. On ne sait pas si ses fesses sont impliquées, mais il propage aussi qu'il veut baiser l'islam. Mais là, il se retire, donc on parle de coït interrompu. Uh-huh. Gabrois a des leçons à prendre. Non, mais pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là, Amir Kadir compare PKP à Khomeini parce qu'il trouve qu'en média, il en versait satanique. Il risque d'avoir une fatwa contre lui parce que Khomeini y aurait contrevenu à la charte. Mais pendant ce temps-là, Mathieu Bocoté écrit que PKP n'a pas fait de propagande avec ses journaux. Il pourrait être chroniqueur ici. Bien drôle, lui. Bocoté risque bientôt d'être comptabilisé comme une dépense électorale du PQ. Puis si le DGE calcule les dépenses en mots, ça veut dire que le budget est déjà bossé. Donc, c'est déjà un problème. Et finalement, il y a juste un débat le 20 mars, mais finalement, il y en a le 27. Puis Marois ira pas, tout le monde en parle le 6, parce que je pense qu'elle voudrait aller à la voix. Alors, Charles, la balle est dans votre camp. C'est ce que j'ai compris. Merci, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour l'émission. Restez à l'écoute dans quelques minutes de la Bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe. Vous les connaissez, Marie-Hélène Rasticot, Jean Gagnon, Stico, Philippe Roberge et Alex Courton. Un gros merci à nos invités. Donnez une chance à Charles Lafortune et à son émission La Voix. Ça, c'est dimanche soir à TVA. Bonne chance. Hein. Ben, merci beaucoup. Les fauteuils sont bleus ce dimanche. Elle était bonne, par exemple. On va rester rouge. Véronique Yvon, ben, tout le monde vous aime. Et encore une fois, bon anniversaire. Merci. Merci. Plein vendredi comme ça. Bonne campagne électorale. Ah, merci. Amusez-vous bien. On est bien partis. On a un fun, vous dit. Mais là, après ça, ça devrait être calme. Hein, parce qu'après, PKP, il reste plus grand monde. Ah, attendez. Ah ouais. Ah, mon Dieu. Toujours des rebondissements parce que. C'est vrai? OK. Si vous trippez sur l'émission, vous nous réécoutez en balado, évidemment, c'est sur iTunes. Si vous voulez venir assister à l'émission, on fait ça les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel. Nos invités la semaine prochaine, Lorraine Pintal et Françoise David. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.